Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui commence. Qui a toujours pour vocation de nuire. Je ne sais pas si on y arrive très bien. En tout cas, on essaie. Comme je disais, donc Nuisance, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, le www.canalsud.net évidemment. Un téléphone, le 05 61 53 36 95, une adresse. Le 40 rue Alfred Duméril. Ah! Welcome, welcome to Nuisances. You are on a plane going straight to hell and it's coming back, and there it is, and there you are, and that's what it is. It's just shit, and you know it. We all know it. And that's what it's all about. It's all about the shit. It's all about it, man. Thank you. going back against the fake shit, the fake stuff, the kind of stuff you put up in your ass and you eat it up and you gibberish the whole fucking time. It's gibberish. You want it to end, don't you? You want it to fucking end, you're right. Yeah, I mean, it's never gonna end, it's just gonna go on forever. Butt faces up my ass the whole fucking time. Et c'est à ce moment-là précisément qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on raconte ? Est-ce que ça vaut le coup de comprendre ? Mais moi je vous réponds, ça vaut pas le coup. Ça sert à rien. Écouter, c'est comme comprendre, c'est de la merde. Et de la merde, c'est ce qu'on en fait ? On la chie. C'est comme ça.

choses ne sont pas censées se passer, aucune fois en vrai. C'est juste comme la dalle, qui chante. Thank you. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous écoutez actuellement l'émission pardon, Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Nous sommes partis pour une visite de l'extraterrestrielle profondeur de l'être émancipatoire, bien sûr, dans sa réaction infinie, bonté, brute, je devrais dire, allez vous faire enculer. Et bien sûr, nous allons ensuite observer la latence. Thank you. something's going on, it just won't stop. It just goes on over and over again. It never wakes. No, it sleeps on. It's never ending. It's shitfulness. Just don't ever want to be, you know. It's just there, you know. And it's never going to go away. It's just in front of you, and it's all going to do is destroy. It's nothing, you know. You got it. It's nothing, not. It's a nothing, not. A not of nothing. Nothingness. That's what it's all about, you know. Et c'est là le propos. Le propos, c'est l'absurde. L'incohérence. L'irrationnel. La terreur.

I'm et les particuliers, aucun. De monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers aucun. Certains, Thank you. qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers aucun. J'observe que du chat et du cyprine en bon dos. La chose se passe sans se passer aucune fois en rien. Crevé comme la dalle qui chante en fond, bien avant que la chose ne change en soi. Il faut aller chercher la suite de cette fois. Là où ses fleurs la halète, et quand elle va falloir trouver, n'est pas là d'être lassitude. I found the answer on an island covered in cum. I see the answer in an angel face headed by spaceships. Come on, people, with the toilet bowl. A rat is an answer to living through fuck-faced shit toilet bowl. Je devrais voir la chose comme un choix. Je le devrais si je le devais, et je le dois. Bah, donc, t'as râlé chier. Ainsi va la chose qu'à la fin, brisée en mille échardes de aluminium, je vois le truc craindre de loin et de merde puante partout. Je comprends l'éternité sans en être, car pratiquement partie de là-bas et de loin, car la famille est morte. Elle est morte de phallus crottés, de chiottes, de cuvettes, à loin, de près et de part, et d'autres, de loin, car enfin la merde couverte de couvert. Le mucus rectal est fin. Odorifère, le bon à lécher du cul. Et ainsi passe le temps en jeu et en passé et en présent. I see through this shit like a bird blowing the shit that's on its wings, and I pain in the head. I should be happy. Then this on the way down to the pastime glory. The box I see is on the verge of cracking up, and it's on the side of a flowing, flowery, kind of a glory thing, like a kiss on the lip of this pussy. Details of an old scripture. It stinks. I stink. Je vois la chose accumulée dans l'absolu de la chose insinuée. Je suis la voix qui semble accoucher d'un monstre de sympathie, ainsi que la vie va à l'envers vers un revers et un devis plus tard. Que je sois celui qui meurt de honte, ainsi que la foi qui vient d'un manquer. Je suis la chose qui voit à travers. Je vois la voix de l'homme qui meurt, merde, qui demeure homme, ainsi que la vie. Les chars s'enfoncent dans les veines, et fait couler le flot de 100% mort, je vois homme. I seem to be quite the same. Good old scene. Good old dreaming. I feel past the rupture of the present facing the glory of a broken down cardboard box. It melts away like my trust. I seem to get everything I see. Each time I flow, I find it hard to see. Well, I find it happier to see than to sing. I sin, which doesn't mean much, but well, fuck. I find the way out of here. I find what I seek. You follow me every time I twist the dream with writhing flowers and fingers on a wish to the hand. Je te vois, Adolphe, dans mon miroir intérieur. Oussama, Sada, Nicolas le président, merde, je vous tue. Bien fait. Et puis, quand vous m'avez aperçu, je suis. Dans un monde fait de cauchemars qui horrifient. Je te merde, putain. Je suis la voix de chiotte de merde qui obstrue le vaisseau. Et quand je sème cette zizanie, là, je suis la voix. Merde. Mais quand même, il se trouverait de travers un semblant de deux merdes chiottes. Fais chier, faut chier. Quand je te travaille, mot après, mal de merde. Je te suis à la trace de frein sur mon visage. Je te le dis. Travaille la chose sacrée comme mon trou de balle, et je suis la rainure le long de la passation de pouvoir. Je vois ce que tu fais de toi, et te languir m'obstrue l'acte. Premièrement, le deuxième suit, car traversant le port cidé, la langueur obstruante revient en dernière place. Place ton pouvoir sur le siège d'automobile comme un mobile gracieux. Grâce de toi à moi, je vois, j'entends les couteaux se suivre à la sienne de mon cœur. Vision, éclatée de l'aura, tu es égoïste, connard, je vois la chose, j'entends les horreurs ignominieuses. Te voir revenir à l'instant me suit à cette peine, débourré me satisfait, je vois l'instant, je suis l'instant, ainsi va l'aura. À l'aurore, je crois. Non, je débourre la vie traversée d'une heure, d'heureux événements placidement perçus, partantes. L'appareil, suit le parfum. La parfumante passion, oblitérée, partant de l'aurore à la couchante lumière, Je crois en tous les événements passés. L'avenir étant dépassé par l'expérience. Merci à tous et toutes. I seem to hear things unreal, like a storm down the hurricane on a sunset-filled sand, which is which, like a ridden cloud of technical details of a space invaded cloud. I see the storm. I see the horn-filled stone sharpness. I like it like what I feel. I hate hat-filled shit. I can see the cloud on your forehead, and I feel the abasement of my wondrous desires, but I like, more like, I like what I can feel. It's full of worms, this head of mine, and I know what I feel is distress. This stress is sharp in my face, but I don't know how to know. I can tell I don't really care. I'd rather be happy than sorry, so sorry. Butt-like face of an angel-like happiness, glory of sorts, fullness of a box and a happier waist. I can tell there's no happiness around, so I linger on and say what I ought to. I love this. I seem long to forget slowness, and I fall head first. Traversante oblique en finale explosif. Je ne puis agripper là-bas. I don't know what will happen afterwards. The warden is blown up on a blowtorch like thunder as it goes. The wondrous eyeing of an evening as it rings. I see the stars through. Your eyes are a blast of shiny hairs on a glistening hand. Shape up the stairs in case. I wander like thunder thumping. stop the latest news to the ladder. Ladder of sorts, as it goes. I know what we would want if we wanted. I go down to the staircase of an eyelid shutting down. Shit, I don't think so. So be it. Ainsi soit-il, la façonnante, il est de travers. Je te suis. Je te vois. Suis la menant incisive. Comme le temps, à contre et envers. Je suis la solution du problème. Il est posé. Je me demande. Ainsi questionnante. Incision. bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance actuellement avec avec Rico et Al. Et ensuite

Salut Rico. Culte. Ouais, si tu veux. Et ben, qu'est-ce qui t'a appris de faire de la musique aussi pourrie ce soir à Nuisance? Ben en fait, voilà. Voilà, d'accord. Ouais. Et ensuite, pourquoi tu tends tellement à faire chier les gens comme ça, quoi? Bah parce tiens que... tellement, pardon. Bah oui, parce que c'est... D'accord. Hein? Ok, je vois très bien. Ok, ben merci pour ta réponse. Avec plaisir. Ouais, moi aussi, plaisir partagé. Ok. Bienvenue, ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, bienvenue sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Et ensuite, j'avais une petite question en fait. Oui. Oui. Alors, pourquoi est-ce que tu te fais briller, enfin, fionter, on va dire. En fait, on était parti sur fionter, je crois. Fionter, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc pourquoi fiontons-nous, d'après toi? Ben, pourquoi? Bah, pour faire briller, pour faire pour faire lustrer aussi. Pour, lustrer, ouais, c'est ça. Oui, se lustrer, se lustrer le fion. Le fion, par exemple, c'est clair. Moi, c'est ce que je pensais. C'est évident, merci Rico pour ta participation ce soir. Avec plaisir. Ouais. Plaisir ouais. Partagé. Et, ouais. Et en fait, ouais. D'accord. Je te dirai un jour. Ok, d'accord. Un jour tu me diras, on peut chanter ça ensemble maintenant, dans les prés. Dans les prés. Promis. Ok, d'accord. Thank you.